La la la la la la la, le carnaval de la Kerkalé. Tous les femmes et putes, bien les hommes qui sentent bon. Toutes les femmes et putes, bien les hommes qui sentent bon. Bonne journée. Merci à vous.